l'ironie, non féminin, figure rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce que l'on veut faire entendre. Du grec eironeia, action d'interroger en feignant l'ignorance. Paul Verhoeven, cinéaste néerlandais, toujours actif. Réalisateur qui a traversé 17 films des Pays-Bas à la France, en passant par les États-Unis, a fait sienne cette rhétorique, ne cesse de montrer le contraire de ce qu'il veut révéler. Duplicité, second degré, détournement et retournement, telle est la recette risquée et pas toujours payante du cinéma ironique de Paul Verhoeven, mais qui a le don de nous questionner en feignant le divertissement, de nous plonger dans des abîmes de réflexion en nous heurtant à la surface de nos écrans. Et s'il fallait mentir pour dire vrai? Et s'il fallait être victime pour ne pas en être une? Et s'il fallait en faire trop pour tomber juste? Mais avant tout, et s'il fallait être une machine pour devenir humain? We need a 24-hour a day police officer. A cop who doesn't need to eat or sleep. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Nous avons le meilleur de l'homme et de la machine. Les réflexes les plus rapides produits par les technologies modernes. Un ordinateur incorporé, programmé à vie avec les données du maintien de l'ordre en milieu urbain. J'ai la joie immense de vous présenter Robocop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. C'est une machine. Ils vont pas nous remplacer par des machines. Quels sont vos directives prioritaires? Être au service des citoyens, protéger les innocents, faire respecter la loi. Bonjour Axel Cadieux. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma à Sofilm, rédacteur en chef adjoint de cette revue Sofilm. Vous avez dirigé l'ouvrage Paul Verhoeven Total Spectacle aux éditions Playlist Society qui est paru en 2016. Alors nous commençons cette semaine sur Paul Verhoeven avec le film Robocop. Alors ce n'est pas le premier film de Paul Verhoeven, loin de là. Il est sorti en 1987 aux États-Unis. C'est son 8e film, mais peut-être un des plus emblématiques. Est-ce qu'on peut dire que Robocop contient à peu près tout le cinéma de Paul Verhoeven? Je ne sais pas s'il contient tout le cinéma de Paul Verhoeven, mais c'est un film en tout cas qui est central et qui est fondamental dans son œuvre, parce que c'est son premier film américain. Avant ça, il a donc réalisé tout le début de sa carrière en Hollande. Et là, il arrive aux États-Unis parce qu'il ne peut plus réaliser en Hollande, parce que le gouvernement ne lui autorise plus ou ne lui facilite plus les choses pour le faire, parce que c'est un cinéaste qui, depuis le début, est fondamentalement dérangeant. Et il arrive aux États-Unis, on lui propose ce film-là, ce scénario-là que plusieurs grands cinéastes ont d'ores et déjà refusé. Et lui, il va s'en emparer et évidemment, il va le faire à sa sauce, qui va annoncer tout ce qu'il va faire par la suite, à savoir un cinéma, comme vous l'avez très bien présenté, de la duplicité, du trouble, un cinéma qui peut s'envisager au premier degré, au second degré ou au troisième degré. C'est ce qui fait sa force et sa richesse. Et c'est évidemment le cas de Robocop et ça sera aussi le cas de Starship Troopers et de tant d'autres films à venir. Bah quand on regarde Robocop, on n'est pas véritablement dérangé parce qu'il y a quand même cette idée qui colle un petit peu à la peau et aux écrans de Paul Verhoeven, c'est que c'est un cinéaste sulfureux. Vous l'avez dit, Axel Cadieux, en Hollande, il dérangeait avec ses films. En quoi c'est dérangeant Robocop? En fait, c'est l'histoire d'un super flic robot qui fait le bien. On peut le dire très bêtement, comme ça. Ouais, si on prend Robocop comme ça au premier degré, c'est l'histoire effectivement d'un flic qui est mis à mort par des gangsters et qui est réanimé par sa hiérarchie pour devenir un robot vengeur. Donc a priori c'est pas dérangeant et a priori c'est même plutôt un film de droite si on le prend au premier degré comme ça, une espèce de vigilante presque à la Charles Bronson. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait c'est dérangeant parce que Paul Verhoeven, qui est un cinéaste quand même je crois fondamentalement humaniste, va travailler ce robot de manière à ce qu'il devienne autre chose qu'un robot. Et donc il va y avoir un trouble, ce qu'on appelle un peu la vallée dérangeante, le trouble afférent au robot. C'est quoi la vallée dérangeante? La vallée dérangeante c'est un concept qui en gros consiste à avoir un trouble profond lorsqu'on fait face à un robot qui est plus humain que les humains. Et donc c'est quelque chose qui trouble les humains parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas net mais on n'arrive pas à savoir quoi. Et c'est peut-être ça qui est troublant chez Robocop, mais plus fondamentalement je crois que Robocop n'est pas, vous l'avez bien dit, troublant parce que Robocop marche au premier degré. C'est-à-dire oui, on est enfant, on le comprend. Bon, il y a des images, c'est violent, on va l'entendre. Voilà, ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais en revanche, ça ressemble à beaucoup d'autres films, à Terminator par exemple, qui a été réalisé à la même époque à peu près par James Cameron. Oui, et par les mêmes producteurs. Donc en fait, il y a une filiation directe entre Terminator et Robocop, tout comme il y a une filiation directe entre Blade Runner et Robocop. Ouais, en fait c'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est que si on le voit comme ça au premier degré, ça marche. Quand on voit Robocop à 10 ans, quand on voit Robocop à 15 ans, à n'importe quel âge, ça fonctionne. À mon âge aussi. À n'importe quel âge, en fin de compte, c'est quelque chose qui est propre à quasiment tous ces films. C'est-à-dire qu'en fait, on peut regarder un film de Paul Verhoeven et prendre un plaisir immense, tout en réalisant au fur et à mesure, quand on le connaît, on le sait, mais quand on le connaît pas, ben on le découvre si on a les yeux bien ouverts, que le film raconte aussi autre chose, que son cinéma raconte aussi autre chose. Et en l'occurrence, Robocop, ça raconte évidemment un flic qui va faire entre guillemets le bien et qui va un peu, disons, faire la loi dans cette ville de Détroit. Et c'est pas un hasard d'ailleurs que ça se passe à Détroit, qui est la ville symbole de l'industrialisation aux États-Unis et du déclin de l'industrialisation. Mais si on le regarde le film attentivement, on se rend compte aussi que en sous-main, ça raconte un humain qui va reprendre le contrôle sur la machine. Donc ça, c'est, disons, la sous-couche de Robocop. C'est ce qui a fondamentalement intéressé Paul Verhoeven. Et si on le regarde encore plus attentivement, peut-être au bout d'une deuxième ou d'une troisième vision, on réalise qu'il y a encore une troisième couche à Robocop qui arrive vers la fin du film, mais on y viendra, qui est qu'en fin de compte, même si on croit en apparence que l'humain a repris le contrôle sur la machine, et ben en fin de compte, non, il sera toujours inféodé au diktat de la corporation. Et c'est ça que raconte Robocop. Donc on peut croire comme ça à un espèce d'énième blockbuster, à une époque dans les années 80, où on est sur Superman 4, où on est sur une espèce de prolifération de films de super-héros pas très intéressants, et Robocop s'inscrit là-dedans, à les apparences et les atours, on va dire, d'un cinéma on ne peut plus limpide, alors qu'en fait il raconte plein d'autres choses. Fellow executives, it gives me great pleasure to introduce you to the future of law enforcement. L'éco-dépisteur 209 est un robot policier entièrement autonome. Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre, mais ce n'est qu'un commencement. Quand il aura fait ses preuves dans la vieille ville, le 209 occupera à notre avis une place essentielle dans l'arsenal militaire de la prochaine décennie. Monsieur McNamara. J'ai besoin d'un volontaire. Monsieur Kinney. Oui, monsieur. Voulez-vous servir de cobaye? À vos ordres. Monsieur Kinney sera le suspect dans une simulation de la procédure classique d'interpellation. Monsieur Kinney, braquez votre arme de façon menaçante. Non, pas sur moi, sur le 209. Oui, monsieur. Oh. Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir. Un conseil, mon vieux, faites ce qu'il vous ordonne. Vous avez 15 secondes pour obéir. Vous êtes en infraction caractérisée de l'article 113, chapitre 9 du Code pénal. Vous avez 5 secondes pour obéir. 4, 3, 2, 1. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Alors, on est à 10 minutes du film et on n'a pas entendu encore Robocop. Robocop n'existe pas. Là, en fait, on a entendu un robot policier, donc, mais vraiment un robot créé de toutes pièces, le D209, qui, durant une présentation, en fait, donc, est censé être proposé par l'OCP. Donc, l'OCP, c'est un énorme conglomérat militaro-industriel commercial qui a la main mise sur Détroit, qui veut transformer la ville et qui veut purger la ville de ses crimes et qui, donc, a mis au point ce robot policier, le D209. Qui ne marche pas. Et cette scène est incroyable. Alors moi, je l'avoue, j'ai vu Robocop pour la première fois de ma vie il y a 5 jours. Et donc je m'attendais pas du tout à ça. C'est une scène extrêmement drôle. Donc là, elle est très violente à l'écoute, mais en fait, elle est très drôle puisqu'on a en fait cette réunion d'employés en costume qui se félicitent très années 80. Et tout à coup, ça part en délire et le robot se met à tuer un pauvre employé qui n'a rien demandé. Ouais, un robot défectueux qui donc va littéralement larder de balles, de 200 ou 300 balles, un pauvre employé qui est censé faire le cobaye et le robot est censé s'arrêter et ne s'arrête pas. Donc évidemment, on est toujours dans la duplicité. Au premier degré, ça raconte une scène terrible, à savoir un robot défectueux, parce que le film se passe en 2043. Donc on est On est quand même dans quelque chose d'assez futuriste. Aujourd'hui, on est plus proche de la date du film que de la sortie du film. Ouais. On se rend compte que c'est plus tant un futur que ça. Et donc la scène est terrible, la scène est d'une violence absolue, et en même temps, comme toujours chez Paul Verhoeven, la violence est si excessive, la violence est dans une espèce de grand guignolesque et d'abus si évident et de déversement de sang si excessif qu'en fait il y a une dimension comique. Et puis ensuite il y a tout de suite le grand chef de la corporation OCP qui va dire appelez un médecin alors que l'homme est mort depuis au moins 5 minutes. Donc c'est ça. Oui, il peut pas survivre là de toute façon. Impossible. Et en fait, ça raconte quelque chose du point de vue de Verhoeven sur l'Amérique et aussi de toutes les sociétés dont il parle, que ce soit la société néerlandaise, que ce soit la société américaine ou plus tard la société française, parce qu'il s'imprègne toujours des environnements dans lesquels il réalise, dans lesquels il tourne, dans lesquels il écrit, c'est qu'il va les approcher avec en même temps un regard très froid, très clinique, et il va verser immédiatement dans la satire. Donc, par exemple, Robocop, milieu des années 80, qu'est-ce qu'il voit aux États-Unis? Il voit une société qui est en pleine prolifération des armes à feu. Donc il se dit, bon, et surtout qui est en pleine prolifération des forces de l'ordre et peut-être d'une espèce de conjonction et de flou entre forces de l'ordre et intérêts privés. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dit bon, on va le faire de manière complètement satirique, on va pousser les curseurs au maximum. Et en même temps, il y va y aller avec un premier degré absolu. C'est-à-dire qu'en fait, il va montrer ça en étant à la fois fasciné par ça. Mais c'est là où c'est ambigu, c'est que d'un côté, on sent bien qu'il y a une forme de dénonciation, de rire en fait, de sarcasme vis-à-vis de cette société de l'excès, hein, que ce soit autant dans l'espèce de confiance en soi, de rapport aussi, parce qu'en fait, cette réunion, elle est typique de réunion managériale insupportable. On voit bien en fait qu'il en rit, et en même temps, au lieu de le dénoncer, d'avoir une forme de distance critique, où on aurait par exemple un personnage qui vient incarner un écart, au contraire, il y va encore plus. Il n'y a aucun personnage qui ne marque d'écart avec ce qu'il dit. Tout le monde joue parfaitement son rôle, l'arme joue parfaitement son rôle, la réunion joue son rôle. En fait, au lieu de dénoncer avec un écart, il dénonce en jouant le truc à fond, à l'inverse. Ouais, c'est juste, mais parce que je pense qu'il a un rapport toujours effectivement très premier degré à ces sujets-là. C'est un cinéaste certes de l'ironie, mais c'est pas un cinéaste de la distance avec de la hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est intéressant parce que c'est une autre manière de faire de l'ironie en fait. Exactement. Et quand il se plonge dans un sujet, il se plonge dans le sujet et il va pas le regarder, ce qui pour moi est un vrai problème de beaucoup de cinéastes, avec une hauteur critique et on va dire avec un certain mépris finalement, et parfois un mépris de classe. Il y a pas ça chez Verhoeven. Quand il se plonge dans un sujet, il s'y plonge lui profondément de manière personnelle et il est avec eux. Et je crois que ça, c'est fondamental pour comprendre son cinéma. Et par exemple, quand il arrive aux États-Unis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, mais c'est pas possible, tout le monde a une arme ici, c'est terrible. Et en même temps, il dit immédiatement à sa fille, va t'acheter une arme. Donc en fait, il y a finalement ce côté-là qui est hyper intéressant chez Verhoeven. C'est, je regarde ça parce qu'il est hyper taquin, on le voit dans toutes ses interviews, il a ce regard coquin, très, cette étincelle dans l'œil qui fait qu'il a vraiment un regard de caricaturiste finalement, et en même temps, il est pleinement dedans. Et ça, je trouve ça génial, et on le verra aussi dans les films à venir. Eh ben, écoutons Axel Cadieu, un extrait de Baudrillard qui parle des États-Unis, et puis une archive de Verhoeven qui fait complètement écho à ce que vous êtes en train de nous dire et au texte de Baudrillard qu'on va entendre. Death Valley et Las Vegas sont inséparables. Il faut accepter tout ensemble, la durée immuable et l'instantanéité la plus folle. Il y a une affinité mystérieuse entre la stérilité des espaces et celle du jeu, entre la stérilité de la vitesse et celle de la dépense. C'est ça, l'originalité des déserts de l'Ouest, dans cette juxtaposition violente et électrique. Et c'est la même chose pour le pays entier. Il faut accepter tout en bloc, car c'est ce télescopage qui fait le côté illuminating, accelerating du mode de vie américain. De même que, dans le désert, Tout fait partie de la magie du désert. Si vous considérez cette société avec les nuances du jugement moral, esthétique ou critique, vous en effacerez l'originalité qui vient justement de défier le jugement et d'opérer une confusion prodigieuse des effets. En esquivant cette confusion et cet excès, vous échappez simplement au défi qu'elle vous lance. La violence des contrastes, l'indistinction des effets positifs ou négatifs, le télescopage des races, des techniques, des modèles, la valse des simulacres et des images, ici est telle que, comme pour les éléments du rêve, vous devez en accepter la succession, même inintelligible. Vous devez faire de ce mouvement le fait irrésistible et fondamental. Il est vain d'opposer Death Valley comme phénomène naturel sublime et Las Vegas comme phénomène culturel abject. Car l'un est la face cachée de l'autre et ils se répondent de part et d'autre du désert comme le comble de la prostitution et du spectacle au comble du secret et du silence. Je suis parti aux États-Unis et c'était plus un exil pour moi. Et quand j'étais aux États-Unis, je suis revenu à ma jeunesse en quelque sorte. Quand j'étais un fan de BD, quand il y avait Tintin, Tintin c'était mon héros. C'est pour ça que j'ai fait des films de science-fiction comme Robocop et Total Recall. Il y avait un élément de légèreté. C'était du Hergé, c'était du Tintin. Vraiment, vraiment, c'est me grabbing the past, my love for comic books and the light. C'est vraiment étreindre mon passé, la légèreté d'un Tintin, par exemple, et l'utiliser pour survivre aux États-Unis. Alors, c'est très intéressant cette archive qu'on vient d'entendre de Paul Verhoeven. C'est une archive du 25 mai 2016 sur France Culture dans l'émission La Grande Table, où il parle de cette légèreté un petit peu pour face à la violence des États-Unis. Finalement, le meilleur rapport qu'il y a à avoir, c'est la légèreté. Ce qui résonne parfaitement avec ce texte qu'on a entendu interprété par Bernard Gabay de Jean Baudrillard, qui s'appelle Amérique, qui date de 1986. Donc là, en plus, on est raccord avec les années de Robocop qui est sorti, avec l'année de Robocop qui est sortie en 87, avec quand même ces mots qui frappent: la violence des contrastes, l'indistinction des effets positifs ou négatifs, le télescopage des races, des techniques, des modèles, la valse des simulacres et des images. Ça, en fait, ce sont les États-Unis. Et on voit bien que Verhoeven, avec sa légèreté et avec des films comme Verhoeven, va dans ce sens-là de tout mélanger. Oui, exactement. En fait, depuis tout à l'heure, on parle des thèmes de Robocop et c'est fondamental pour comprendre là où Verhoeven va. Mais ce qui est encore plus prégnant, ce qui est encore plus évident pour comprendre son cinéma, c'est la manière dont il va aborder en termes cinématographiques, en termes de mise en scène, ce sujet-là. Et là, en l'occurrence, il n'y va pas par quatre chemins avec Robocop. On est sur quelque chose d'extrêmement martial. La musique de Basil Poledouris, qui va devenir un complice de longue date de Verhoeven, eh ben, a quelque chose de très militaire, de très va-t-en-guerre. Le film commence par une ouverture sur des fausses informations ou très militariste. Enfin voilà, il y a viriliste même, viriliste, avec une sorte de d'appel à l'engagement, à la violence, oui, à la militarisation de chacun. En fait. Bien sûr. Donc en fait le cinéma de Paul Verhoeven, dès ses premiers plans américains, sont imprégnés de ce trouble-là. C'est-à-dire que quand on commence à voir les premiers plans, les premières séquences de Robocop, donc voilà, premier pas d'un étranger qui arrive aux États-Unis, à Hollywood, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Est-ce qu'on est en train de voir le produit d'Hollywood? Ou est-ce qu'on est en train de regarder quelqu'un qui commente finalement les États-Unis et Hollywood? Parce qu'évidemment, c'est aussi un film qui parle de cinéma, Hollywood étant la machine à rêve et la machine à mythe. Donc en fait, il y a dès le début cette espèce d'incertitude qui va un peu s'immiscer dans tout son cinéma, de Robocop à Holoman, qui est son dernier film américain. Et je crois que c'est ça qui est à la source de tant de malentendus à propos de Verhoeven. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Axel Cadieux, c'est que effectivement, il y a un certain nombre de malentendus autour de Paul Verhoeven. On peut dire que en fait c'est un cinéaste violent, on peut dire que c'est un cinéaste misogyne, on peut dire qu'en fait il y a quelque chose presque du nanar en fait dans certains de ses films, vraiment du ratage. C'est-à-dire qu'à force d'être dans la légèreté, on a l'impression en fait qu'il se fout de son sujet ou qu'il n'en a pas compris les enjeux en fait. Et vraiment là où se situe l'esprit un petit peu grave et sérieux. Et parce qu'il est profondément provocateur. Donc en fait, quand on lui dit tu fais Showgirls, Alors Showgirls, il faut quand même rappeler, c'est un film qui date de 95 et qui a été, après des succès comme Robocop, Total Recall et Basic Instinct, a été vraiment un ratage total. Ça date, c'est sorti en 95 et ça raconte effectivement l'histoire d'une héroïne à Las Vegas, en fait, d'une stripteaseuse à Las Vegas. Qui gravit progressivement les échelons de Las Vegas et qui les gravit en adoptant finalement les codes de Las Vegas. C'est-à-dire une forme de vulgarité, quelque chose de très criard, voilà. Et que va faire Paul Verhoeven? Eh ben, en fait, son film va adopter les mêmes codes. Donc en fait, c'est un film vulgaire, c'est un film criard, c'est un film qui est excessif, c'est un film qui va dans tous les sens, c'est un film qui est en même temps généreux, mais qui n'a pas de distance vis-à-vis de son sujet. Mais si on le regarde, encore une fois, en sachant un peu analyser les signes, on voit évidemment qu'il a conscience de ce qu'il fait. Et quand Paul Verhoeven reçoit le Razzie Award, qui en fait est l'inverse des Oscars aux États-Unis, donc il le reçoit pour Showgirls, sacré pire film de l'année aux États-Unis, l'actrice pareil, le réalisateur pareil, et ben en fait il va le chercher et il va sur scène et il brandit la statuette et il dit c'est génial, merci. Parce qu'en fait, ça participe de toute cette ironie. En fait, il est même plutôt content que ça ait raté, qu'il y ait une sorte de succès raté, parce que finalement, ça veut dire que tout le monde est d'accord avec lui pour dire en fait que ce côté excessif, vulgaire des États-Unis, c'est un côté dégoûtant et qu'en fait, on est tous dégoûtés par ça et qu'on ne veut plus l'avoir sous les yeux. Je pense que ça l'amuse et qu'il considère qu'il y a un tout indifférencié et qu'effectivement, vous avez raison, à partir du moment où on a une réaction de rejet par rapport à son cinéma, c'est que quelque part, finalement, on peut aussi avoir une réaction de rejet par rapport à ce qu'il montre. Et comme il le montre sans aucune distance, eh ben ça fonctionne. Mais il faut aussi avoir conscience qu'il y a un deuxième degré. Mais il y a un deuxième degré où forcément il raconte ça avec une distance et une conscience de ce qu'il montre, évidemment. Mais aussi un troisième degré véritable qui est que ça marche au premier et au deuxième. Et ça, c'est fondamental. Je vous propose, Axel Cadieu, d'écouter en fait Robocop en acte. Donc Robocop a été créé. Donc il faut le dire, le jour où en fait le robot en entreprise a été testé, donc a complètement raté, a tué quelqu'un, il y a eu une autre mort, celle de ce policier qui s'appelle Alex Murphy. Donc quand même, journée de travail difficile pour deux personnes. Et donc Alex Murphy, ce policier, est récupéré in extremis par l'OCP, donc ce conglomérat, pour tester un nouveau programme qui est donc le Robocop, donc partir d'un être humain, on va dire, en état de mort ou proche de la mort, en fait le transformer en robot, et donc Alex Murphy naît. C'est vraiment la fusion, c'est vraiment un cyborg, hein, c'est la fusion entre l'organique et le mécanique et la machine. Et là, on va l'entendre tout de suite en acte, et on va pouvoir revenir, Axel Cadieu, sur cette idée de second degré ou pas, parce que cet extrait, pour moi, il n'est pas du tout second degré. Would there be anything else, sir? Yeah, I emptied the register and put the money in the bag. Excuse me? J'ai dit passe-moi ton fric. Tout ce que t'as est pas dans ton loop. Hé, grouille! Ouvre le coffre, vite! Ouvre-moi ce putain de coffre! On n'a pas de coffre ici. Tiens, c'est quoi ça? C'est ton billet! Ouvre-moi ce putain de coffre! Tu veux gagner du temps? Non. Je compte jusqu'à 3 et je te conseille de grouiller. Allez, allez! Ou alors je lui fais péter le crâne. J'ouvre le coffre. Bien. Allez! Je commence à tirer dans 3 secondes. 1, 2. Putain de merde. Lâchez votre arme. Au nom de la loi, je vous arrête. Merci de votre coopération. Bonsoir. Alors, s'il est quand même un petit peu second degré, c'est vrai. Il est quand même second degré, cet extrait. Donc, Robocop, on le voit, hein, une fois qu'il est remis, en fait, dans ce commissariat où il a débuté en tant qu'Alex Murphy, mais il n'a plus aucun souvenir de ça. Il est donc remis dans ce commissariat et là, il va nettoyer la ville de Détroit. Et on va avoir une séquence, je dirais, d'une dizaine de minutes, peut-être, ou peut-être un peu moins, où en fait, on voit Robocop vraiment sauver des innocents, des méchants. Et donc, là, ce braquage. Et pour moi, là où cet extrait est second degré, c'est effectivement à la fin. Merci de votre coopération. Comme si en fait il avait remercié son boulanger pour la baguette de pain. Mais là où il n'est pas du tout second degré, c'est qu'effectivement on est quand même là face. Robocop incarne en fait une figure qui est une figure assez univoque au départ de « je suis là pour faire respecter la loi » et finalement en fait c'est ce qu'il fait et il y a une certaine forme de jouissance et c'est là où en tant que spectateur on est quand même surpris. On jouit de voir un robot faire la loi, tuer les méchants, alors même qu'en fait, il a été créé par une société relativement douteuse. Exactement, mais c'est un peu tout le trouble dont est capable Verhoeven et qui est intéressant dans cette scène. Et j'ai même envie de dire, dans cet ensemble de trois scènes, c'est-à-dire que ce sont des scènes qui arrivent juste après la mise en fonction de Robocop. La première scène, donc, c'est un braqueur de supérette. La deuxième scène, donc on est content de voir Robocop le mettre hors d'état de nuire. La deuxième scène, c'est Robocop qui arrête deux violeurs qui s'apprête à agresser une jeune femme. Et la troisième scène, c'est un preneur d'otages dans un bâtiment public qui a des récriminations vis-à-vis du maire et qui donc a des revendications à faire passer. Donc a priori, on est complètement derrière Robocop. Sauf que ce qui se joue aussi derrière ces trois scènes, et si on sait lire un peu les signes, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans la première scène, par exemple, de la supérette, Robocop fonce vers le gangster et plie sa mitraillette. Et finalement, la mitraillette, c'est aussi un symbole extrêmement phallique. Donc, en fait, il s'attaque à un symbole viriliste. De la même manière, juste après, quand il s'attaque au violeur, il va le mettre hors d'état de nuire en tirant dans son entrejambe, et en le mettant là aussi hors d'état de nuire, d'un point de vue sexuel. Et enfin, la troisième scène, celle où le preneur d'otage, est neutralisé par Robocop, il est balancé par la fenêtre, il arrive au sol, et là, il y a tout un tas de caméras qui représentent tous les médias de Détroit, qui font un gros plan sur lui et qui tombent sur lui. Donc en fait, ce que racontent ces trois scènes, c'est quand il y a finalement pas uniquement l'idée de Robocop qui se fait justicier, mais aussi une autre lecture sous-jacente qui est à la fois la destruction d'un mythe viriliste pour les deux premières scènes, et aussi finalement une critique des médias. Et c'est aussi ce qu'est Robocop d'ailleurs dans la troisième scène, le film Robocop, ça raconte ça. C'est comment est-ce que les médias participent finalement de ce mythe, de cette imagerie américaine que Robocop vient alimenter tout en la mettant à mal. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on va voir un extrait de ce film, donc de Robocop, où on entend un JT, donc un journal télévisé, et des publicités. Et là, il y a vraiment un questionnement de Verhoeven, une mise en scène de Verhoeven sur ces médias. Robocop, who is he? What is he? Where does he come from? C'est le nouveau policier que l'OCP a créé dans sa croisade impitoyable contre le crime. Tous les porte-paroles du cartel disent que l'androïde sème la terreur chez les voyous de l'ancienne ville. Aujourd'hui, les élèves de l'école élémentaire Yakoka ont pu enfin approcher celui que leurs parents ne connaissent que par les bandes dessinées. Robot, pardon, excuse-moi. As-tu un message pour les enfants qui te regardent en ce moment? Soyez sages, les enfants. Aujourd'hui, la crise mexicaine s'est encore aggravée quand les forces américaines ont pris part à un raid avec les forces nationales mexicaines contre des bases de roquettes non loin d'Acapulco. Regardons. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Tu as violé ma zone de représailles. Et toi, tu n'as pas retiré tous les missiles MX. Le Pakistan menace mes frontières. Fini pour toi. L'aide militaire est annulée. Hécatombe. Tuer avant d'être tué. Un nouveau jeu éducatif signé Butler. Quand j'ai eu le script, il y avait vraiment ces, appelons-les, ces interventions, je dirais, dans le récit principal. Le récit principal est sur Robocop, mais il y a toutes ces publicités, ces infos sur la présidence américaine dans l'espace, bref, peu importe. Et je veux dire que ces éléments étaient déjà là. Donc quand j'ai eu le script, j'ai senti que l'on devait les retrouver et de façon aussi abrupte que possible. Que ce ne sera pas quelqu'un est dans la pièce, il regarde la télé à la maison, et ensuite vous voyez ce qu'il y a à la télé. J'ai trouvé que ce serait vraiment moderne de trancher dans la narration principale, d'interrompre le récit principal, montrer ces pubs ou ces infos, et puis revenir au récit. J'ai vraiment basé cela sur mon admiration pour un artiste peintre américano-néerlandais, Mondrian, si vous connaissez son travail, avec ses carrés bleus, rouges, verts, etc., avec ses lignes noires très nettes. C'est complètement de l'art abstrait. Et j'ai pensé que ce film devrait faire la même chose, qu'il ne doit pas te préparer aux journaux télévisés ou quoi que ce soit, mais qu'il devait justement te les balancer en pleine figure. Pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais vraiment faire quelque chose. Disons, réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors on vient d'entendre donc un extrait de Robocop, donc cet extrait hors du récit en fait qui met en scène les médias, c'est donc un extrait de journal télévisé et cette pub hilarante en fait sur un jeu de guerre où on voit vraiment une famille façon un petit peu pub, Kinder, tout le monde est blond, tout le monde est content et tout le monde joue et en fait joue à se tuer, tue avant d'être tué. Et puis on a entendu cette archive de Verhoeven, c'est une archive du 22 février 2017 et ce qui est intéressant c'est qu'il commente lui-même la manière dont il a inséré ces extraits de JT et de publicité et on voit en fait qu'il a voulu qu'il procède ainsi à mettre tout au même niveau et un petit peu à nous perdre effectivement, à entretenir ce sentiment de trouble sur le fait qu'on ne sache pas s'il s'agit d'intrigue, s'il s'agit de JT, ce qui est à prendre au premier ou au second degré, tout est au même niveau. Exactement, c'est ça qui est génial. Et par exemple, il y a aussi, alors en plus d'une part les faux JT, mais en plus dans ces faux JT là, ils sont entrecoupés de pubs. Donc en fait, il y a déjà cette espèce de trouble absolu dès le milieu des années 80 entre l'information et le divertissement ou même la publicité. Et en plus, c'est pas n'importe quelle pub. Il y a par exemple une pub pour une société qui s'appelle Nuke M, soit bombardée à la bombe nucléaire. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, il y a une vraie société dont Verhoeven et les scénaristes ignoraient l'existence, qui s'appelle Nuke M et qui les a poursuivis en justice à l'issue du film en disant « Vous avez parlé de nous ». Et ils se rendaient même pas compte de cette espèce de, disons, de distance et d'ironie absolue du truc. Et de la même manière, Robocop, très vite après la sortie du film, va devenir un produit dérivé. Il va être décliné sous la forme de figurines, il va y avoir des jeux vidéo, il va y avoir une série d'animations. Tous les petits garçons auront eu, dans les années 80, leur figurine Robocop. Bien sûr, ils vont adorer Robocop. Et même Ed Neumeyer, donc le scénariste, l'un des deux scénaristes qui se réclame de gauche, Verhoeven, évidemment, cinéaste, difficilement classable sur l'échiquier politique, mais évidemment quand même avec une sensibilité de gauche, disons même si c'est un peu trouble, mais bon, il a quand même ce regard là. Ils vont être catalogués de fascistes et ça va être la même chose ensuite pour Starship Troopers. Donc Starship Troopers, on peut en dire deux mots parce qu'effectivement là, Verhoeven applique en fait ses débuts aussi. On a parlé quand même d'un côté militaire. Faut quand même dire que Verhoeven, il a commencé par faire des films documentaires, même de propagande en fait militaire. Mais en fait, c'est plus que des films militaires de. Ouais, c'est en fait, il a fait des spots de pub pour l'armée néerlandaise. Ce qu'on retrouve exactement dans Starship Troopers, donc qui est un film de 97, ouais. Où effectivement là, en fait, ça n'est que propagande dans ce film militaire. Et il faut vraiment savoir le prendre. Ce qui me donne envie de vous reposer cette question, en fait, qui est quand même que ce second degré, quand on le perçoit pas. On peut, parce que vous ne cessez de nous dire, Axel Cadieux, que on doit en fait qu'il y a plusieurs niveaux dans les films de Verhoeven, mais là où en fait c'est un petit peu perturbant pour le spectateur, c'est que si on ne saisit pas le second degré, on a l'impression d'avoir été dupé. Et que là, il y a effectivement ces JT-là qui nous donnent des indices, mais on peut se dire en fait que ce sont juste des plages un petit peu humoristiques. Bah en fait son cinéma, je sais pas si on peut se dire qu'on a été dupé dans le sens où finalement son cinéma marche au premier degré. C'est-à-dire qu'en fait, et il sait que aussi son box-office, son succès et donc sa possibilité de refaire des films, parce que ça marche uniquement comme ça aux États-Unis. Si on a du succès, on continue à travailler. Si on n'a pas de succès, on arrête. Mais ça marche pour Robocop, ce que vous dites. Robocop, ouais. Marche parfaitement au premier degré pour tout le monde. C'est vraiment un divertissement. Ça marche pas pour Starship Troopers. Ça marche pas pour un film comme Elle, dont on parlera demain, où là, il s'agit quand même d'un viol. Alors moi, je trouve que ça marche pour Starship Troopers. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai vu Starship Troopers, j'avais peut-être une douzaine d'années et je me souviens l'avoir vu avec des adultes et j'en ai reparlé avec des adultes et même à sa sortie, Starship Troopers a été considéré de manière assez unilatérale et unanime comme étant un film de guerre premier degré, très problématique, voire fasciste. Et donc pour replacer un peu le truc, Starship Troopers c'est un film futuriste, un film de science-fiction, l'humanité est menacée et des conscrits partent dans l'espace faire la guerre à des arachnides. Et il y a quelque chose où en fait finalement les soldats, on est derrière eux à fond. Vraiment, je trouve, le film marche au premier degré. Alors oui, c'est Ken et Barbie, oui, c'est excessif, mais comme il sait caractériser ses personnages et comme il sait finalement les humaniser, eh ben en fait, on est derrière eux. Mais il n'empêche que, si on regarde un peu, on se rend compte que, pour certains, ils ont les mêmes uniformes, par exemple, que l'armée nazie. On se rend compte que la manière dont ils sont mis en scène relève de la propagande la plus pure. Mais si on ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, on le prend au premier degré. Mais ça veut et pas ça dire... veut dire qu'on veut faire l'armée après ? Eh ben, c'est peut-être le trouble, ouais. Mais c'est pas un cinéma inoffensif, hein. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement c'est un cinéma ironique, mais quand l'ironie ne fonctionne pas ou n'est pas perçue, bah, il ne reste que de l'ironie, de la lourdeur, un ratage, et sinon, effectivement, quelque chose de dangereux, comme vous dites. Ben, disons que potentiellement. Mais je crois, enfin moi, j'ai tendance à croire que l'art, à un moment donné, le cinéma, doivent être dans ces eaux troubles-là. Et c'est aussi à ce moment-là que c'est intéressant, quand on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et pour revenir brièvement à Robocop, l'un des méchants de Robocop, parce que dans Robocop, étant un film poupée russe, il y a plusieurs méchants dans Robocop, l'un d'entre eux est façonné avec les lunettes de Himmler, par exemple. On va écouter justement cet autre méchant. Donc c'est l'arrestation en fait de Baudicaire, qui est effectivement un malfrat et qui, on va l'entendre, est de mèche avec ceux qui sont censés être les gentils. Clarence Baudicaire, you are under arrest. You have the right to remain silent. Fuck you. Une minute, bon Dieu! Je suis protégé, moi! Je suis pas n'importe qui! Vous avez droit à un avocat. C'est de la connerie! Bordel! Bordel de merde! Écoute-moi! Écoute-moi, putain! Il y a un autre mec! Un autre mec du cartel OCP, c'est le vice-président! Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. C'est Dick! Compris. Je travaille pour Dick Jones, Richard Jones. C'est le numéro 2 chez OCP. Et l'OCP contrôle la police. Et toi, tu es de la police. Arrête. Oui, je suis un policier. Oui, alors je ne sais pas à quoi est due cette traduction, enfin cette voix française. Oui, je suis un policier. On a essayé de comprendre. En fait, oui, je suis un policier. Donc là, c'est l'arrestation, donc vraiment de Clarence Baudicaire. Alors il faut dire qui est Clarence Baudicaire. Donc c'est vraiment le malfrat qui en fait est responsable de la mort de Alex Murphy, qui va devenir Robocop. Et vraiment, c'est acharné sur lui. C'est-à-dire que la première scène où en fait on voit Alex Murphy mourir, peu de temps après avoir vu d'ailleurs cet employé mourir sous les coups du robot, est assez terrible. Là, on n'est plus du tout dans l'humour au moment où Alex Murphy meurt, parce que c'est vraiment il y a quelque chose de torture, de la torture, où en fait on lui tire sur la main, on lui tire sur le bras, après on lui tire dans la tête, on s'acharne. Et là, Alex Murphy se souvient quand même, malgré le fait que sa mémoire a été lavée, qu'il soit devenu une machine, se souvient quand même que quelqu'un l'a tué. Il identifie cette personne et il décide de tuer cette personne. Il faut savoir, pour revenir à la scène évidemment centrale dans le premier tiers du film où Alex Murphy est mis à mort, que Robocop étant Paul Verhoeven étant la plus intéressant, étant fasciné par la figure de Jésus, il voit Robocop et Alex Murphy comme un Jésus américain. C'est-à-dire que là, évidemment, la mise à mort de Alex Murphy est violente, parce que selon lui, il doit passer par une mise à mort violente pour aboutir à une forme de résurrection, qui là est une résurrection robotique, et il parle de Jésus américain et non pas de simple Jésus, parce que c'est un homme qui revient, enfin un robot qui revient sur Terre pour appliquer la loi, l'appliquer de manière violente et tuer. Donc voilà, American Jesus, c'est ce que dit Paul Verhoeven. Donc oui, le film est violent parce que le film parle aussi de ça quelque part, mais bon, ça fait partie des petites taquineries de Paul Verhoeven. Et ensuite, Robocop reprend peu à peu conscience du fait qu'il a été humain, qu'il a été tué, et donc part en chasse de ceux qui l'ont tué. Et le film, c'est une forme de vengeance, mais pas que, quoi. Alors, à ce moment-là du film, on est aussi, c'est un petit peu comme la scène qu'on a entendue où on voit Robocop, en fait, qui sauve des innocents. Cette scène-là, elle peut être vue au premier degré, de toute façon, comme tout le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça résonne quand même avec les JT qu'on a vus auparavant et avec les jeux. C'est que là, on est vraiment dans la tête de Robocop. Le spectateur est dans la tête de Robocop. Clarence Baudicaire, en fait, on l'a sous les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que Verhoeven, en fait, nous met dans la peau de spectateur, mais redouble ce sentiment-là en nous voyant regarder à travers les yeux de Robocop, qui ont un format un peu téléviseur. Donc, on est vraiment, non pas seulement du côté du premier degré, second degré, mais nous-mêmes, on est dans une forme de redoublement de nous-mêmes. On se voit spectateur. Mais il préfigure la télé-réalité, en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans les yeux, en direct, d'un personnage qui fait le bien tout en usant de la violence la plus crue. Donc en fait, ça, évidemment, comme toujours, Paul Verhoeven nous questionne. Il nous raconte simplement qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir à ce moment-là. Est-ce que vous ressentez une forme de rejet? Est-ce qu'au contraire vous avez une jouissance face à cette violence que je suis en train de vous montrer? Qu'est-ce que vous, en tant que spectateur, vous ressentez? Et qu'est-ce que vous allez en faire finalement de ce sentiment-là? Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est aussi fondamental chez Verhoeven, et je pense que vous en reparlerez quand vous reparlerez de elle. C'est-à-dire comment est-ce que nous, spectateurs, on réagit face à ce qu'on voit, et la position dans laquelle nous met Paul Verhoeven, c'est une forme de miroir. Alors finalement, Robocop, là-dessus, il nous laisse assez tranquille. C'est-à-dire que comme on peut le voir véritablement au premier degré, on peut aussi se dire refuser de se questionner, refuser de ne rien voir. Alors pour d'autres films, on se sent dupé. Ça peut être dangereux, notamment pour elle. Mais là, en fait, finalement, ce film-là nous met aussi face à quelque chose d'assez peut aller en fait dans notre sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi se sentir conforté et pas du tout interrogé. Conforté dans un sentiment de volonté de violence. Oui. Oui, bah oui, mais c'est problématique quand même, parce que c'est une violence qui de la part de Robocop est en fait dirigée et administrée par une corporation supérieure. C'est pas Robocop finalement qui cherche à faire le bien dans la ville. Oui, c'est vrai, mais Robocop in fine reste quand même le produit de OCP, OCP, qui est une corporation à des fins privées, pour des intérêts privés, et c'est eux qui ont mis au point ce Robocop. C'est même pas un intérêt public, c'est un intérêt privé. Donc en fait, il y a quelque chose d'hyper troublant là-dedans. C'est-à-dire que nous, on joue. On est vraiment sur une figure double. Bah, on est sur une figure double. On est à la fois pour Alex Murphy. Oui, venge-toi. Essaye potentiellement de renouer avec ta famille, ce qui n'arrivera jamais. On voit notamment une scène formidable où il repasse dans les lieux de sa maison et il voit que plus rien n'est là. Toute sa famille a disparu. C'est absolument terrible. Il a une sorte de réminiscence, de souvenir qui lui éclate dans la tête un petit peu. Ouais. Et donc en fait, on se retrouve dans une situation au milieu de Robocop où en fait, on vouch pour Robocop. On est pour Robocop, on est derrière Robocop, et en même temps, du même coup, on se dit « Attends, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'être derrière les intérêts les plus vils ?» Robocop étant manipulé. C'est ça. Alors, on va écouter justement un moment où vous posez la question à Axel Cadieux de qu'est-ce qui reste finalement de Alex Murphy et qu'est-ce qui reste d'un homme dans la peau d'une machine. Eh bien, il y a un moment où Robocop se démasque, on va l'écouter. You may not like what you're going to see. Ça me fait chaud au cœur de vous revoir. Murphy avait une femme et un fils, où sont-ils maintenant? Bien. Après la cérémonie funèbre, elle a quitté la ville. Pour aller où? Vous croyez mort? Elle a refait sa vie. Ils sont présents en moi. Leur image m'échappe. Laissez-moi seul. C'est vraiment une très belle scène qu'on vient d'entendre, Axel Cadieux, où ce moment où finalement Robocop se démasque, laisse place à Murphy, mais plus vraiment Murphy, puisqu'il parle de Murphy à la troisième personne, et il a cette phrase où il dit « Ces images restent en moi ». Et là, on a ce paradoxe qui est que plus l'homme est déshumanisé, plus il devient une machine, plus en fait il s'humanise. Ouais, c'est très beau. C'est vrai que c'est une scène aux deux tiers du film qui est très calme, au sein d'une friche industrielle, un paysage très déshumanisé. Et lui, donc, qui a encore son visage humain, mais qui à la place du crâne a une espèce de fil robotique, voilà, toute une espèce d'armature comme ça. Et c'est très troublant parce qu'en fait, on se dit finalement, pour qui est-ce qu'on a le plus d'empathie dans cette scène? Est-ce qu'on est capable d'avoir de l'empathie pour un humain qui ne l'est plus vraiment? Est-ce qu'on a plus d'empathie pour des vrais humains qu'on a vus tout au long du film et qui finalement sont à l'image de cartoon? Enfin, sont représentés en tout cas avec un regard de cartooniste. C'est vraiment je trouve un peu un des cœurs de Verhoeven qui est là, c'est-à-dire pour qui est-ce qu'on est en droit d'avoir de l'empathie et où est-ce que vers quoi est-ce que se dirige notre empathie. Dans Robocop, c'est assez fort et c'est ce qui va faire que la fin du film est géniale, mais on va y arriver après je pense, c'est parce que on va s'attacher à Robocop mais au point de ne plus trop savoir ce qu'est Robocop. Mais on va retrouver ça dans Starship Troopers, par exemple, où à la fin, je me permets un petit écart, mais à la fin de Starship Troopers, ou même tout au long de Starship Troopers, on se dit, attends, mais finalement, les colons, ce sont aussi les humains. Pourquoi est-ce qu'on est derrière les humains? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas davantage d'empathie pour les arachnides? Et à la toute fin de Starship Troopers, il y a quand même un espèce de viol symbolique d'un arachnide par les humains qui font des expériences sur les humains. Et pourtant, à ce moment-là, on est à fond derrière les humains. Et en fait, il y a toujours ce trouble qui est là, quoi. Et je trouve cette scène assez géniale en ce qu'elle raconte de encore une fois de nos sentiments à nous en tant que spectateurs. Il y a eu aussi cette scène qui préfigure en fait ce moment où on voit bien que Murphy en fait n'est pas complètement devenu un robot. Il subsiste des traces de Murphy en lui. Alors il y a eu effectivement le moment où il a déambulé dans son ancien appartement et qu'il a eu des souvenirs. Et puis il y a eu le premier moment où en fait où il a eu des rêves. Et alors il est assis et puis il est censé la machine est censée se reposer comme on aurait mis une voiture au garage et en fait il est animé de sortes de secousses et en fait on est dans sa tête et on voit en fait le moment de sa mort, on voit en fait son fils, sa femme, il s'en souvient, c'est tout ça est mélangé, le forme à la fois de souvenirs et de rêves. Et finalement on peut se demander, une fois que Robocop s'est démasqué et qu'il comprend en fait qu'il n'est plus Murphy, si en fait évacuer toute cette dimension personnelle, il ne reste de Robocop plus que l'idée de personne. C'est-à-dire, en fait, ça y est, Robocop devient une personne, ou d'ailleurs, on ne sait pas comment l'appeler, mais je pense que là, on va en reparler pendant la dernière scène. Mais en fait, là, on a vraiment l'idée de personne, à savoir une sorte de mélange entre l'environnement extérieur, ce qui nous a fait être, et en même temps des souvenirs personnels. Oui, alors là, et en plus, ce qui est intéressant sur la scène dont vous parlez, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous dites, mais en tout cas, il devient quelque chose d'inédit. Ouais. Il devient quelque chose qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que il n'est plus il fait plus partie des humains, il fait pas partie des robots non plus. Il est quelque chose de fondamentalement inédit. Il est Robocop. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant, ça fait lien à ce que je disais avant, c'est que comme Paul Verhoeven use et abuse presque des visions subjectives, c'est-à-dire en fait on est dans la tête de Robocop, ça pose encore une fois la question de ce qu'on est nous quand on regarde ce film-là. Et à un moment donné, il y a une autre scène géniale qui est vraiment très courte, où il y a un des hommes en costard, justement, pour lequel on a pas mal d'empathie, voir Robocop ouvrir les yeux pour la première fois, donc c'est nous qui ouvrons les yeux, et il y a ce personnage-là, qu'on retrouvera dans Twin Peaks plus tard, accessoirement, qui l'applaudit et qui lui dit, allez, come on, viens, regarde, tout le monde est là pour toi, et nous on se dit, allez, ok, on va y aller, parce qu'on est dans Robocop, on est invité là-dedans. Et ça alimente ce trouble permanent, et au fur et à mesure, voilà, on va réaliser que Robocop est aussi autre chose, mais on a aussi envie d'être fondamentalement, purement, dans la robotique. C'est pas quelque chose qui nous débecte. On est à la fin du film. Axel Cadieux, c'est parti. I had to kill Bob Morton because he made a mistake. Now it's time to erase that mistake. J'ai dû tuer Bob Morton parce qu'il avait commis une erreur. Il est temps aujourd'hui de réparer cette erreur. Je veux un hélicoptère sur le champ. Nous allons monter sur la terrasse très calmement. Je monterai dans l'hélico avec un otage. Si quelqu'un essaie de m'arrêter, le vieux Schnock sera tué. Dick, vous êtes viré. Merci, chef. Vous êtes un excellent tireur, jeune homme. Vous vous appelez ? Murphy. C'est la fin du film, et puis il y a ce moment, mais parfait, où en fait on lui demande comment il s'appelle, donc moi j'aurais tendance à dire Robocop, eh bien il dit Murphy, il ne dit pas Alex Murphy, il ne dit pas Robocop, il dit Murphy, et là on assiste véritablement à la naissance, en fait à l'acte de naissance de Murphy précisément, de cette personne qu'on a assisté, à laquelle on a assisté, elle était en devenir, elle est morte, elle a été ressuscitée, et puis là c'est une nouvelle personne. Ouais, c'est une séquence qui est géniale de trouble, parce que quand on voit Robocop pour la première fois, je pense que la plupart des gens se disent ok, génial, Robocop a réussi à n'être plus que machine, il redevient humain. Sauf que, si on la revoit, par exemple, cette séquence, on se rend compte qu'il n'arrive à tuer le grand méchant, donc celui qui contrôle finalement celui qui l'a mis à mort un peu plus tôt dans le film, il ne parvient à le tuer que parce que le grand patron de la corporation, OCP, a viré cet autre méchant juste avant. Donc en fait, quelque part, Robocop reste assujetti à la grande corporation. C'est ça, en fait, le message du film qui est hyper ambigu, le message de la fin qui est hyper ambigu. Mais moi, je suis beaucoup plus positif que vous. Oui, mais en fait, c'est là encore, c'est troublant de toute façon. Mais moi, je pense effectivement qu'il y a vraiment il y a quelque chose de très ironique là-dedans, parce qu'on pense qu'il regagne une forme d'humanité, alors qu'en fait, en regagnant cette forme d'humanité, il ne la regagne qu'en étant assujetti à la plus grande des corporations. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il dit pas « My name is Alex Murphy ». Il dit « My name is Murphy » comme un matricule. Et même au moment où il tue Dick Jones, il s'appelle Dick Jones, il y a un plan très très fugace d'un autre homme en costard, qui est là depuis le début d'ailleurs, ça dure 2 secondes et il lui fait un pouce en l'air comme ça, genre bien joué. Et... Oui, mais d'ailleurs c'était le collègue de la première personne qu'on voit tuer par ce robot E209 qui ne fonctionne pas. Mais oui, exactement. Donc en fait, il est là depuis le début, il a tout vu, ça l'empêche pas de sourire et d'être très content de cette nouvelle mise à mort, d'ailleurs dans les mêmes locaux, parce que c'est la même salle, je crois. C'est la même scène, ouais. C'est exactement la même scène dupliquée. On doit s'arrêter là-dessus, on va s'arrêter sur la naissance de Murphy et effectivement sur ce trouble quand même qui persiste. Est-ce que c'est un produit en fait de l'industrie ou est-ce qu'en fait il devient une nouvelle forme de personne? Merci beaucoup Axel Cadieux. Je rappelle que de vous, on peut lire Paul Verhoeven, Total Spectacle, c'est aux éditions Playlist Society, ouvrage que vous avez dirigé. Et puis de vous, récemment, vous avez écrit aussi Le dernier rêve de Stanley Kubrick, Enquête sur Eyes Wide Shut aux éditions Capricci et aussi Voyage à Twin Peaks. On trouve d'ailleurs beaucoup d'acteurs entre Twin Peaks et Robocop aux éditions Capricci aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Écoutez France Culture, vous écoutez Kanye West Robocop et c'est l'heure d'écouter la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment.